Couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 sur Fadjet.net et en DAB+ pour votre demi-heure avec les artistes de la région et même de la grande région. Coucou à vous si vous nous écoutez de Reims, de Strasbourg, évidemment de Nancy, de vos couleurs, c'est en Meuse. On ne va pas parler géographie. On va nourrir vos cœurs, votre cœur plutôt, parce que si vous avez plusieurs cœurs, c'est qu'il faut consulter un médecin. Votre cœur, votre esprit, sauf si vous êtes une pieuvre, je crois qu'il y a trois cœurs, mais on est déjà en train de diverger dans l'émission. On va nourrir votre esprit, on va nourrir votre âme, vos corps énergétiques, ésotériques, spirituels. On va aller très très loin dans le monde astral, mais on restera quand même sur Terre, ce n'est pas une émission ésotérique, c'est bien une émission de musique et nous sommes avec Adélaïde. Bonjour Adélaïde. Bonjour Pierre. Alors c'est mieux si j'ouvre ton micro. On recommence. Bonjour Adélaïde. Bonjour Pierre. Ah super, en plus elle l'a fait exactement de la même façon que la première fois. Ça c'est le métier qui est là. Comment vas-tu ? Très bien, merci de m'accueillir. Eh bien, avec plaisir, on t'accueille pour une demi-heure, que vous nous écoutiez samedi à 13h ou dimanche à midi. Bon appétit à vous. Et si vous rentrez de course ou même du boulot, pour les plus malchanceux que vous êtes en voiture, même si vous allez planer, rêver, vous poser des questions avec cette musique que nous propose Adélaïde, eh bien, je vous promets, je vous demande de rester attentif quand même au code de la route. Et votre environnement autour. On va essayer en tout cas de faire au mieux. Alors tu es autrice, compositrice, interprète, tu fais également du piano. J'imagine que tu sais lacer tes chaussures et compter deux par deux comme une célèbre tortue également. Bah, c'est n'importe quoi, hein. Ça, j'avais pas prévenu, mais c'est vraiment n'importe quoi. Tu fais des chansons, alors je lis ce que tu as écrit sur le projet. Dis-moi comment tu te présentes sur ta bio et je te dirai qui tu es, ça j'aime bien. Je fais des chansons sur des vraies rencontres amicales et amoureuses, ces personnes que l'on compte sur les doigts d'une main. Le style est variété avec des beats type rap. Ça donne envie, en tout cas moi j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est comme ça que tu t'es présentée. Oui, c'est comme ça, merci. Oui, donc je suis auteur, compositeur, interprète, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Et je suis messine, voilà, pas loin. Et donc, mais j'ai fait mes études à Nancy. Ah, voilà. Et donc oui, bah, comme je disais, comme tu le disais bien, je fais des rencontres, des chansons sur les rencontres amicales et amoureuses, ces personnes que l'on compte sur les doigts d'une main. Vraiment les personnes que l'on rencontre dans la vie qui peuvent nous aider, qui nous ont soutenus à des moments donnés, ces personnes qu'on garde dans le cœur. Et ces chansons sont pour ces personnes. Ces chansons sont pour elles. Tu as eu envie d'écrire pour ces personnes. Alors, il y a une personne qui est avec nous. Je ne sais pas si tu en parles dans tes chansons. J'espère pour lui. Sinon, c'est la cassure. Nous sommes avec ton frère qui assiste à l'émission. Bonjour Alain. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bah, tout va bien. Très bien. Je suis là pour contrôler la situation. Et merci, la sécurité. La sécurité. Évidemment, il n'y a absolument rien de mal qui va se passer. Aucun invité n'a jamais été blessé sur Fadjet dans Couleur locale. Je ne dirai pas autant d'autres émissions, mais c'est pas grave. Bon, enfin bref, tu es là. Non, vraiment, personne n'a été blessé. N'appelez pas la police. Tu es là pour présenter ton premier EP qui est intitulé Spot sur l'amour. Qui est intitulé Spot sur l'amour. Ah, j'adore ça, incroyable. Spot sur l'amour. Il est sorti quand, Spot sur l'amour ? Eh bien, il y a deux semaines. Je l'ai finalisé. Okay. Les chansons datent peut-être des fois un peu plus avant. D'accord. Mais le temps de les remasteriser, le travail qu'on connaît. Et de le présenter, du coup, okay. Voilà. Donc, un EP, combien de titres ? 5 titres ? 6 titres. 6 titres. Voilà. 6 titres. Disponibles sur toutes les plateformes ? Sur SoundCloud. Sur SoundCloud pour l'instant. Uniquement. Une envie peut-être de le mettre sur Bien les autres Bien sûr, ouais. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Spotify, voilà. tout ça. Oui, voilà. Ok, Spot sur l'amour. Bon, au moins, on sait de quoi ça parle. Du coup, parce que des fois, tu poses la question de quoi ça parle et puis on te raconte des histoires alambiquées. Ça parle de rencontres, ça parle d'amour. Pourquoi Spot ? C'est focus, eh bien, Spot, oui, c'est focus, ouais, focus, la lumière sur l'amitié et l'amour. Sur l'amitié, voilà. Et l'amour, ok. Tu dis également dans ta biographie, je me retrouve quand j'écris l'amitié et l'amour. Oui. C'est important de dire quand on aime, c'est ce que je souhaite partager aujourd'hui. Oui. Une communication qui est déjà léchée, on apprécie. Bravo, sur Fadjet dans C'est vrai que voilà, le thème de l'amitié vraiment qui m'aide à la création artistique. On met en avant le sens du partage. Et puis, dans un second temps, évidemment, l'amour, les rencontres amoureuses, même si elles n'ont pas abouti, ces rencontres amoureuses, ça reste des beaux souvenirs. Elles ont apporté quelque chose. Et voilà, elles apportent quelque chose. Voilà. Okay. Et voilà, c'est apaisant, finalement, quand on se retrouve dans la chambre à écrire, dans sa chambre à écrire, ou dans le salon, n'importe où. C'est apaisant d'écrire ces personnes qui nous sont chères, finalement. Voilà. Et un bel hommage pour ces... Pour ces personnes-là, si vous nous écoutez et que vous reconnaissez, n'hésitez pas à réagir ou bon, faites ce que vous voulez, mais en tout cas à aimer la page Facebook Fadjet-6 couleur locale. Et puis pour suivre Adélaïde, on est sur Instagram, sur SoundCloud, on partagera le lien parce que c'est vrai qu'il est un peu. Il est un peu bizarre. Oui. L'adresse email adélaïde.bro@gmail.com. C'est ça. Et sur le SoundCloud, on te trouve à Adélaïde. Metz. On tape Adélaïde Metz. Je sors. Voilà. Ok, super. Très bien. Chers amis, je vous partage la passion de la musique, chers auditeurs, aussi parce qu'en tant que musicien, je trouve que c'est important de mettre en lumière cette activité qui parfois sauve bien des âmes et bien des vies. Loin s'en faut, c'est une passion qui est fédératrice, c'est une passion qui, comme l'amour, a une vibration, une lumière de dingue. Je le vois après 7 ans à recevoir des artistes et j'ai envie de vous dire, chers auditeurs, si vous ne faites pas de musique et que vous vous posez la question d'en faire, eh ben, cette question à se poser, c'est « et pourquoi pas moi ?» Et moi, je lui dis, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Et d'ailleurs, c'est rigolo, parce que c'est le titre du morceau qu'on va écouter. Je suis un pro des transitions. J'adore faire ça. Félicitations. Merci beaucoup. Je ne l'ai même pas vu arriver. Bravo. Il y a encore 2 morceaux, alors attention. Et j'ai pourquoi hâte. Pas vous? Alors, de quoi ça parle? Et pourquoi pas vous? En fait, je me suis amusée à me mettre à la... Les femmes, parfois, comment dire, on peut des fois, on aime bien minauder, et donc je me suis mis à la place des femmes qui minaudent, et puis finalement on dit, mais au-delà du jeu, il peut y avoir un vrai amour qui se crée, voilà. Okay. Et pourquoi pas vous, parle des garçons en général, finalement, quand on rencontre des garçons, okay. Comment ça se passe, voilà. Les garçons, cette chanson est pour vous, ce sera peut-être un enseignement pour les plus célibataires d'entre vous, peut-être qu'on a des clés à apprendre, je sais pas, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Mais de toute façon, on va écouter ça. Et pourquoi pas vous, de Adélaïde sur Fadjet dans Couleur Locale. Et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview. Nous, les femmes, on sait bien prendre un air détaché. Et minoter pour nous, ça n'a pas de secret. On dit que pour se faire désirer, mieux vaut le monde. Et aucun intérêt, c'est facile de faire sans de rien, de dire que tous les mecs sont en chien. Mais sans l'autre moitié, sommes-nous vraiment quelqu'un? Avec qui n'a jamais perdu ses moyens. Les mecs sont-ils fautifs, nous vider notre salle, jusqu'au jour où les sentiments nous mettent une claque. Là est un tournant, un changement de cap. Et dans quelques temps, on parlera pas. Pourquoi pas vous? J'aimerais beaucoup en savoir plus sur vous. Je crois qu'avec vous, mes sentiments partent des gens youkou. Pourquoi pas vous? J'aimerais bien savoir tout sur vous. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Les femmes, on aime y attirer l'attention. Mais qu'est-ce qu'on aime aussi donner de l'attention? Quoi de plus beau qu'un cœur qui en dit long? Plutôt qu'une confuse élocution. Avec vous, je me sens plus vivante. Je me sens plus belle et plus grande. Résonne en moi votre voix réconfortante. Il semble que rien d'autre n'ait de l'importance. Le parcours de la vie est venu être de podium. Pas numéro 1, mais on fait le maximum. Meilleur cliché gardé dans l'album. Je vis de ce que le temps me donne. Et pourquoi pas vous? J'aimerais beaucoup en savoir plus sur vous. Je crois qu'avec vous, mes sentiments partent des gens youkou. Pourquoi pas vous? J'aimerais bien savoir tout sur vous. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? J'aimerais pouvoir échanger avec quelques mots. Rien n'aura moins d'importance que nos propos. J'entendrai votre voix, l'intonation. Je saurai s'il y a attraction. Je souhaite ne pas perdre ce ressenti. C'est beau d'espoir sans sentir ivre. Je provoquerai notre échange en restant digne. Et coderai vos syllabes dans mon lit entre les lignes. Pourquoi pas vous pour avancer d'un petit bout. Au moins mis tous les deux d'un petit bout de parcours. La suite, je n'en sais rien du tout. Enfin, est-ce qu'il y aura un nous. Et pourquoi pas vous. Je crois qu'avec vous. Et pourquoi pas vous. Et pourquoi pas vous. Et pourquoi pas vous. Pourquoi pas vous. Et pourquoi pas vous de Adélaïde, notre invitée sur Fadjet. Excusez-moi, dans Couleur Locale. Au 94.2 FM à Nancy sur Fadjet.net et on a plus une demi-heure avec les artistes de la région. Si vous venez de rejoindre l'émission et que vous avez raté le début, pas de panique, elle sera disponible en replay sur mon Spotify, Pierre Mercier, Radio Fadjet, et oui, c'est moi, sur le site de Fadjet, Fadjet.net, pendant une semaine juste avant l'écrasement total avec la prochaine émission. C'est pour ça qu'il faut aimer le Spotify. Donnez-moi des vues, s'il vous plaît. J'ai vu que tu étais émue, Adélaïde. Tu avais l'air ému pendant l'écoute. L'écoute, ouais. Tu avais l'air ému. Ça te fait plaisir de, bah, de t'écouter en contexte radio comme ça. Ça me rappelle l'émotion que j'avais en écrivant la chanson. Ouais, incroyable. Voilà. Et nous sommes avec ton frère. Alors, jusqu'à présent, tout se passe bien, monsieur l'agent ? Tout va très bien. Tout va très bien ? Très, très bien. Aucun souci. Je passe un très bon moment avec vous. Je passe un très bon moment. Oui. T'es fier de ta sœur ? Je suis très fier de ma sœur. Oh, c'est beau ça. Merci beaucoup. Ce qu'elle fait, c'est très bien. Ça permet de s'exaucer. Ça permet de se libérer. S'exorciser. Même de guérir de blessures de la vie aussi. Ouais. Ça permet d'avancer, ça permet de ne pas rester bloqué. Ok. C'est un beau message en tout cas. C'est très touchant, chers auditeurs. Alors, je ne dis pas qu'il faut toujours venir accompagner, mais n'hésitez pas. Si vous êtes artiste, musicien, vous avez envie de participer à l'émission, il suffit juste de me contacter sur Fadjet-du-6 Couleur Locale et les frères, les parents... Les cousins, tout ça, sont les bienvenus aussi pour nous apporter un peu leur éclairage sur les invités. Et là, on a eu un bel éclairage. Éviter les enfants, enfin les enfants, les bébés, parce que c'est ingérable en émission. Mais ça, je pense que vous l'avez deviné, sans transition. Je suis toujours en train de digresser. Pourquoi pas vous ? On aura l'occasion d'écouter encore deux morceaux durant cette émission. Alors, il y a à noter que t'as interprété, autrice, compositrice, interprète. Voilà, t'as écrit les paroles, t'as composé au piano et t'as même fait le mixage du son. Oui, voilà. Ouais. J'écris la chanson finalement. Ouais. Ensuite, je me mets au piano. En fonction de ce que j'ai envie d'écrire, de la musique que j'écoute, ben je crée les premiers accords. Ensuite, mais je me mets sur le logiciel pour pouvoir mettre la batterie, la basse, guitare. Des fois, on peut mettre de la harpe aussi numériquement, des choses comme ça. Et puis, finalement, ça nous fait un son complet. Mm-hmm. Et c'est là où je pose ma voix dans le logiciel pour enregistrer et masteriser le tout, mettre la réverbération, donc les volumes. Tout fait, quoi. Voilà. Ouais. Tout fait. Donc, nous sommes vraiment dans du 360 degrés. Une artiste au grand cœur et de talent. Mais de toute façon, vous êtes tous de talent quand vous venez sur Fadjet dans Couleur Locale. Parfois même meilleur que votre serviteur à l'animation. J'ai vraiment hâte, chers auditeurs, de vous en partager deux autres morceaux. Alors là, on a traité de la thématique de l'amour. Si demain... alors déjà, est-ce que tu as un autre projet? Et si oui, est-ce qu'il parlera toujours d'amour ou est-ce que d'autres sujets te... Eh bien, on fait vraiment des rencontres dans la vie, donc toujours l'amitié. Toujours l'amitié. Vraiment, c'est des personnes qui nous tiennent à cœur. Veux rester dans cette vibe-là, quoi. Pour l'instant, c'est vraiment cela qui est important pour moi, voilà. Est-ce que cette EP va être complétée par un album ou est-ce que là, tu... J'aimerais bien, oui, pour l'instant, c'est vraiment mon premier EP. J'avais déjà fait... une première maquette quand j'étais plus jeune. Ouais. Donc c'était du piano-voix. Hein, et là, vraiment, c'est plus abouti. Et je souhaite vraiment pouvoir ensuite pouvoir être diffusée sur les radios justement de la région dans un premier temps. Aller avec le SoundCloud, pouvoir ensuite aller sur Spotify. grandir un petit peu, éventuellement peut-être faire une collaboration avec un rappeur de la région également. Ok, t'as des idées en tête, on en connaît pas mal en émission. Moi j'en connais pas forcément, hein. Comme le son, je me range plutôt dans la pop, mais avec, donc ça tire vers la variété, avec également des rythmes marqués du rap. Ouais, c'est ce qu'on a entendu. Voilà, on a un peu du phrasé, du chant. Alternation, voilà. Rap. Je pense que ça pourrait être un beau projet avec... Mais bah pourquoi pas, voilà. Je vous invite à la contacter sur Instagram, par email, adelaide.bro@gmail.com, SoundCloud, oui. C'est adelaide.ness, c'est la troisième occurrence. Oui, et sur Instagram, ade-artiste, A-R-T-I-S-T-E, okay. Voilà. Et ben ouais, si vous êtes un rappeur, si ça vous a ému, si vous avez envie de faire un petit bout de chemin en musique, on vous invite à le faire. La musique, c'est également du partage sur Fadjet, voilà. Dans Couleur Locale. J'espère que vous passez un bon moment, en tout cas vous et les auditeurs également, oui. Parce que c'est vrai que parfois, on se sent un peu seul, hein. Toi, t'as écrit sur l'amour. Allez, vous sentez le truc venir, mais bon, je vais aller jusqu'au bout. Toi, t'as écrit sur l'amour, sur l'amitié. Donc, il y a ce côté, voilà, il y a les liens. La musique, c'est les liens. Et ça réchauffe le cœur. Et parfois, on se sent un peu seul. Et la seule chose qui nous chauffe, c'est ce soleil de solitude qui plane au-dessus de nous quand nous traversons le désert. Je vais t'embaucher au poème. Hein, des poèmes, hein. Quand nous traversons le désert, et c'est le titre, alors je suis très cher, hein, par contre, c'est le titre du morceau qu'on va écouter, Le désert. Alors pareil, dis-nous un peu plus de quoi ça parle. Ben, désert, c'est vraiment, du coup, et pourquoi pas vous, était sur les rencontres amoureuses, ouais. En général, hein, mais et désert concerne vraiment une rencontre en particulier. D'accord, oui, tu dis ça. Un amour, en fait, qui n'a pas abouti, mais qui reste un beau souvenir, une personne, okay. Qui a été là au moment où j'en avais besoin. Okay. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'oublierai pas, quoi. Voilà. Qui a compté que tu n'oublieras pas. Que je n'oublierai pas, voilà. Très bien. Je pense, chers auditeurs, que vous avez tous ce quelqu'un-là. N'hésitez pas à commenter sur la page Facebook Fadjet-6 Couleur Locale. Racontez-nous un peu votre histoire, on aime bien. C'est une émission humaine avant tout. Et on est chanceux d'avoir Adélaïde avec nous. On va écouter son titre « Désert » qui est issu de son EP « Spot sur l'amour ». Vous écoutez Fadjet Couleur Locale, vous y êtes bien, restez-y. Il est 13h17 si vous nous écoutez samedi et midi 17 si vous nous écoutez dimanche. J'ai tant aimé te rencontrer, te découvrir, tant aimé à côté de toi m'épanouir. Tu es si solaire, tu me laisses tout sourire. Sans toi tout est plat, maintenant quoi te dire? Le chiffre 3 c'est important pour toi et moi, mais ça nous le savons uniquement toi et moi. Toi et moi. Avec toi j'aurais voulu t'être maintes et maintes fois. J'aurais aimé t'entendre en arabe juste une fois. Dans ce désert, nos profonds désirs guident nos pas. Chaque empreinte dans le sable marque notre force, notre foi. L'élan ne se brise immensité, l'amour est la seule voie. Si belles sont les rencontres, si beau est le hasard. Au regard de nos échanges, fais ton départ. Ça me fait mal de ne plus jamais te revoir, de me dire que je ne croiserai plus ton regard. J'ai su à quel point, oui, je t'ai considéré. Quand de ne plus te revoir, mes larmes ont coulé. Un petit bout de toi ne s'effacera jamais. Je me sens plus riche de t'avoir rencontré. Dans ce désert, nos profonds désirs guident nos pas. Chaque empreinte dans le sable marque notre force, notre foi. L'élan ne se brise pas tant que le cœur bat. Dans cette immensité, l'amour est la seule voie. Chaque empreinte dans le sable marque notre force, notre foi. L'élan ne se brise pas tant que le cœur bat. Dans cette immensité, l'amour est la seule voie. Dans ce désert. chaque empreinte dans le sable marque notre force, notre foi. L'élan ne se brise pas tant que le cœur bat dans cette immensité. L'amour est la seule voie. Désert, un titre de Adélaïde qui est notre invitée sur Fadjet dans Couleur Locale. On rappelle qu'elle est sur Instagram, sur SoundCloud, donc on mettra tous les liens pour que vous puissiez la suivre. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, je tiens à vous dire, il y a un... Alors c'est une la première fois que ça m'arrive, il y a vraiment un silence partagé dans le studio pendant l'écoute. Je pense que tout le monde Il y a intérêt, vibre, hein. Il y a vraiment une écoute et je pense que tous ici, on est trois, on est avec Alain également, le frère d'Adélaïde, qui contrôle que tout se passe bien. Et je pense que voilà, on est tous en train de réfléchir à des trucs. Alors, peut-être parce que l'émission est enregistrée en fin de journée, on est peut-être tous fatigués, je sais pas, mais il y a un truc qui se passe. Voilà, et ça, c'est le partage, on l'a dit. Hein. C'est la musique et ça. Ah, c'est gentil, beau. Merci. Mais de rien. En parlant de musique, tiens, le mec qui a bugué, alors je sais très bien ce que je veux dire. En parlant de musique, composer c'est super et tout, partager, mettre les liens en ligne, enfin que les gens écoutent, c'est cool, mais moi ce que j'aime en tant que musicien, c'est vraiment la scène, vraiment partager en public. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu? Est-ce que c'est dans tes plans? Ben, plus tard peut-être, plus tard. Pour l'instant, développement de l'EP, ouais. Sur les radios, ça serait bien, et okay. Puis... pour plus tard. Pour plus tard. Mais tu te vois bien sur une petite scène comme ça? Ben, oui, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais participé au concours Vocal Tour sur une composition que j'avais faite, mais j'étais assez jeune, j'avais 20-21 ans, voilà. Et donc, c'est vrai que c'était un moment assez... surtout sur une composition, c'est quelque chose de particulier. Okay. Donc, c'est pas quelque chose qui fait peur en tant que musicien. La scène, c'est sûr qu'il y a toujours le bon stress, comme on dit. Hein, voilà. Le bon stress avant. Voilà. Ok. Ben, moi, écoute, j'espère qu'on pourra te voir un jour. Ça serait vachement sympa. C'est chouette. Qu'est-ce que t'en penses, monsieur Alain, le contrôleur? Alors, je suis tout à fait d'accord et je pense que la scène, ce serait aussi intéressant parce que c'est un autre rapport à la musique. Et c'est vrai. Il y a aussi le public, c'est un autre rapport. Un autre rapport à la musique, sa musique aussi, des fois. Et je pense qu'en termes d'artiste, je pense que c'est intéressant de faire face à un groupe d'humains en live pour un peu de créer une connexion avec le public. Bien sûr. Voilà. Oui, le feeling, humain. Oui, tu as raison. C'est l'humain qui est au centre. Merci pour ton intervention, tu peux retourner. Merci, monsieur. J'ai plus... Ok, on arrive à la fin de l'émission, alors il y aura un dernier morceau qui va être écouté, mais avant de l'écouter et de se dire au revoir, on va jouer un petit jeu, si tu en es d'accord. Oui. C'est quelque chose que je fais depuis des années avec tous les invités qui écrivent et qui composent. Je vais te donner deux mises en situation, deux situations. Je vais t'inviter à te visualiser dans ces situations-là et tu vas me dire laquelle t'inspirerait le plus, l'écriture d'une chanson, que ce soit la mélodie, que ce soit les textes, etc. Est-ce que tu es prête à rentrer dans cet univers? Oui. Ils ont été plus d'une centaine à y être entrés. Ok, très bien. Première situation. Tu es dans un train. Nous sommes fin février, il est 18h. Le soleil commence à se coucher. Tu sais, fin février, c'est pas le printemps, mais on s'y rapproche quand même un petit peu. Tu regardes par la fenêtre du train, tu vois ce soleil qui se couche. Tu ressens le cliquetis des roues sur les rails. Tes sens sont en émoi. Il y a un bébé peut-être qui pleure au fond de la rame. Il y a l'odeur de café qu'un monsieur derrière toi est en train de boire. Et ces sens-là te rappellent des émotions, peut-être des souvenirs, des personnes que tu as aimées, des personnes que tu aimes encore. Tu vois ce soleil qui commence à se coucher et tu penses à la fin du jour pour le début de la nuit, peut-être la fin d'une relation pour le début d'une autre, ou peut-être la même relation mais qui prend une autre tournure, celle de la nuit, peut-être un peu plus discrète et confidentielle. Et tout ça t'inspire je sais pas, ça te fait penser à quelqu'un, t'as envie d'écrire pour cette personne, ou c'est une thématique. L'amour, ok, mais peut-être autre chose, un autre angle. Alors tu sors ton téléphone portable, ton dictaphone, un papyrus, peu importe ce que tu as, et tu commences à noter, ou tu fredonnes, tu es inspiré. Ou aucun des deux. Deuxième situation. Il est 3 heures du matin, tu es dans ta chambre, dans ton lit, seul ou accompagné, cela ne nous regarde pas. Tu te réveilles, la première chose que tu constates, c'est les rayons de la lune qui caressent doucement ton visage. Tu constates également ce silence, celui de la nuit. C'est un silence particulier la nuit parce qu'il n'est pas si silencieux que ça. Peut-être un renard qui glappe au fond d'un champ, je ne sais pas. Tu te réveilles et tu as ce sentiment étrange que quelque chose est en train de s'échapper, mais ne devrait pas s'échapper, parce que tu as fait un rêve. Tu as fait un rêve, et dans ce rêve, il y avait peut-être une situation congrue ou incongrue. Peut-être que dans ce rêve, il y avait une mélodie. Peut-être que dans ce rêve, il y avait une thématique. Peut-être as-tu rêvé d'un ancien amour, d'un amour actuel, ou carrément d'une personne qui n'existe pas. Et tu te dépêches de te relever, alors très doucement, parce que quand on se relève vite après s'être réveillé, des fois, voilà, attention au malaise vagal, à ce genre de bêtises. Chers enfants, la prévention, c'est important. On peut tourner, on peut tomber. On peut tourner, attention. On peut tomber. Reprenons. Tu te relèves doucement et tu prends ton téléphone ou peut-être ce bout de papyrus que tu as ramené de ton dernier voyage en train et tu notes. Tu notes un couplet, deux couplets, des thématiques. Tu enregistres quelque chose parce que t'as pas envie de laisser passer ce qui vient d'arriver dans ce rêve. Alors, plutôt retour de train en fin de journée, plutôt réveil nocturne, qu'est-ce qui t'inspirerait le plus ? Plutôt retour de train, oui. Plutôt, c'est le choix majoritaire. C'est vraiment, c'est vrai que les rails du train qui tac, c'est apaisant. Et puis on pense, on voit le paysage défiler. On sait qu'on a du temps, une heure devant soi. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai écrit des poèmes dans le train. Ouais, quand je prenais le train. Ouais. Une réponse incroyable que j'avais eue une fois, c'est « Moi, ce serait les deux. Je me réveille dans un train, j'ai fait un rêve. » J'ai dit à la personne de sortir du studio. « Je ne veux pas qu'on se moque de... » Ok. Adélaïde, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. Eh bien, avec plaisir. On rappelle donc que tu es autrice, compositrice, interprétrice. Je plaisante. Tu as sorti un EP Spot sur l'amour qui est disponible sur SoundCloud. Tu es également sur Instagram, adresse email adélaïde.bro@gmail.com si on a envie de te contacter. Et on te souhaite le meilleur, évidemment, pour la suite. Eh bien, merci. Et bien, de rien. N'hésitez pas à la suivre, chers auditeurs. Quant à moi, je vous rappelle que chez nous, on se disait tout. On se dit tout. Chez nous, on se dit tout. Alors, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de l'émission? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Quels artistes vous avez envie de voir venir? Moi, je fais venir tout le monde tant que c'est sympa. Et là, c'était sympa. Et c'est marrant, dis donc. Ah, le titre qu'on... Pff, d'accord. Le titre qu'on va écouter pour finir donc, d'Adélaïde s'intitule « Et si on se disait tout ?» Pareil, alors du coup, ça parle... Et si on se disait tout, c'est une chanson un peu générale sur la bonne entente, la paix, voilà. Ok. L'amitié un peu plus en généralité, voilà, sur les bonnes ententes en général. Très bien. Voilà. Eh bien, on va s'écouter ça. Merci à ton frère Alain d'avoir été Merci là également. À vous. Avec plaisir et je vous dis à bientôt sur Fadjet dans Couleur Locale. Le podcast de l'émission sera disponible sur mon Spotify ce dimanche à 18h. Ciao, bye bye. Mais si on se disait tout, on passe du temps à donner notre avis, des jugements souvent pas très gentils. On se permet de dire si c'est bien ou pas, de recevoir un accord, on s'en bat. Si j'étais, on se met à la place des gens, c'est sûr que c'est bien plus réconfortant que de chercher à exister, affronter sa situation, sa réalité. Et si on se disait tout. Oh, c'est quand on n'a rien que l'espoir nous donne tout. Et si on se disait tout. Si parfois on lâche tout, c'est pour aller au bout. Moi à ce moment, je repars à zéro, je passe mon temps à espérer le plus beau. Je me donne l'élan. talent d'embellir chaque instant, une chance pour chaque effort d'être gagnant. J'en ai rien à faire de me comparer, non, je n'ai pas envie de me freiner. Non, simplement la paix pour avancer ensemble, ouais, est-ce qu'on a bien capté? Et si on se disait tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Oh, c'est quand on n'a rien que l'espoir nous donne tout. Disait tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Si parfois on lâche tout, c'est pour aller au bout. Et si on disait tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Oh, c'est quand on n'a rien que l'espoir nous donne tout. Tout, tout, tout. Et si on disait tout, tout, tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Si parfois on lâche tout, c'est pour aller au bout.